Les passagers à destination sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. On y va, let's go! Are you ready? Rail Suprême comme chaque dimanche soir, juste avant les vacances. DJ Kaze, comment ça va? Parmi vous. Enfin, vacances pour moi. Ouais. Mais je tiens à dire que durant tout l'été, chaque dimanche soir, Kaze sera quand même aux platines. Oui, dans toutes les villes un peu du bassin méditerranéen, aussi. Maghreb, Espagne, Portugal. Mais je parlais France. Surtout à l'antenne de Skyrock. Ah, aussi, oui. Parce que tu seras aussi pour tout le monde d'ailleurs, qu'on soit dans le sud ou pas. Bien sûr, en fait, ce qu'on envisagera de faire, à mon avis, c'est d'enregistrer dans les hôtels, comme on a l'habitude de faire l'année dernière, on l'a fait, je crois. Et balancer une heure de mix comme chaque dimanche soir, entre minuit et une heure. Mmh. Rail Suprême ne s'arrêtera donc pas. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, on fera un point sur tes soirées parce que tu vas beaucoup voyager. Là, c'est reparti. C'est ça, ouais. D'ailleurs, on peut souhaiter encore bonne fête à tout le monde. Non, bien sûr, ouais, bonne fête. Ouais. Et c'est tout. Ok, je pensais que t'allais nous sortir un feu d'artifice, même pas à Kaze, non? Non, j'aurais fait l'Aïd à tous les musulmans et profiter des vacances à tous ceux qui ont fait le ramadan qui était un peu dur cette année avec la canicule. Mmh. Et tout ça. Donc maintenant. On peut y aller. On peut y aller. Coup d'envoi. Et coup d'envoi avec de soirée suprême. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Kaze, prêt? On peut donner le coup d'envoi? Oui. Allez, c'est parti pour soirée suprême. Dimanche soir, DJ Kaze te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou. Les fruits, bien mûrs au bout de miel. Ma Marie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai dans ce monde nouvelle. Dans les pays d'ivoire et d'ébène, j'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Oh, Aïcha, Aïcha, regarde. Moi je n'ai que de l'âme. حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي او او عايشة عايشة اول قلب الشا C'est par DJ K sur Skyrock. Qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages, c'est le son des mariages. Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. Si nous passons ensemble, on nous entendra. Y'a des faux partout, y'a des petits gantés. Y'a des faux partout, y'a des petits gantés. Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Kaze, DJ Kaze. Y'a des faux partout, y'a des petits gantés. Je gère mon parcours, je suis pas le plus ganté. Yes, moi j'suis dans mon délire, j'suis personne, j'ai pas me vanter. J'vois les petits délits, c'est pas la tête, on est vendé. J'ai traîné, ça m'a scanné. J'ai grandi, j'ai vu mes amis. J'ai contre toi, ça fait des années. Dans ma team, on est un peu tous fous. On bouge ça sur les six coups. Si la famille vient boire un coup, ramène ta folle, on lui met son cou. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le briganté. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours. Si t'es pas content, fuck off. Mon guide d'elle, c'est devenu un choc. Tu l'as carotté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, on prend tes maxons des morts. Dédicace, quartier sud, quartier nord. C'est Rail Suprême, Skyrock. Tu es ying et le yang, mais fais le moonwalk. Tu veux pas que ça fasse bang. À tes côtés, tu fais partie d'un gang. Mais tu descends pas en promenade, t'as peur qu'on te tangue. M'envoie des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses.

on va tous ambiancer, Oriental Family. Tu le connais, ça fait du bruit, tu valides, ça fait parler. Quoi tu veux pas avouer, t'écoutes et ça fait bouger. Lille est habillée, le fessier à l'engambie. Ce n'est pas assez, faut se déplacer. Demi-tour à gauche, demi-tour à droite. Ch'ta, ch'ta, y'a de la. Oh,

DJ's. Marocaine, je veux un missile ou une Pontia, j'aime aussi. J'en ai marre du célibat, donc je vais dans le sud, j'ai quitté Ripa. Et je veux une bombe qui danse comme une chaouïa. Et je veux une bombe qui danse comme une chaouïa. Elle me rend fou la nanana. Elle me rend fou la nanana. Elle me rend fou la nanana. Ah yeah. On est entre nous, Gorifi Abidjan, on compte sur vous. 113, c'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous. Dimanche soir. DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Señorita, mi querida criatura, vos eres tan bonita, señorita.

marocaine, toutes belles au naturel, toutes belles au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines, beauté marocaine. Oh, beauté marocaine, beauté marocaine, toutes belles au naturel, toutes belles au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Taza ou fesses, beauté marocaine est une princesse. Du nord, sud, est à l'ouest, dans tous les mariages, elle rend fou les hommes. Danse comme une vraie déesse, elle a la taille pour bronzer, type méditerranée. Oh, beauté marocaine, tout belle au naturel, tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Poursuis dans la mais ça tourne sur la bande d'arrêt. J'suis genouné, j'ai du mal à dire mes amours. Tout dans le game, j'arrive vis dans la mort. Ici c'est le 13, poteau, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bon cas. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. La seule à du compris sur les mains, je viens te réparer une courroie. Baby, habibi, j'ai les idées en place. Parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs. C'est dans mes habitudes, j'irai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées, j'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit andai, toi. Je suis perturbé, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupé, je suis comme ça. Écoute ce son si tu t'en concernes. Écoute ce refrain si ça veut t'apaiser. Écoute ce son si tu t'en concernes. Bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est l'armarabe. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet système. Beurre est conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, autant dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflé, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. Débrouillardiste, ça, c'est le coup de grippe, rachet système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme l'intifada. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, par les trapendo. Et je suis encore ouvert aux critiques. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Rage et système, bro. C'est le dimanche soir et c'est Rise Suprême et avec DJ Case au on contrôle. On est super excités, ouais. Ah bah super excités. De repartir en tournée peut-être, Case, puisqu'il y a eu cette pause d'un mois. Bien sûr, c'est et ça. Et là, c'est donc reparti. Et ouais. Et donc mercredi, là, je suis à Paris, ce mercredi 22, je suis à Paris au Baroque, c'est sur Paris Champs-Elysées. Le jeudi 23 à Marrakech au Sofitel. Le vendredi 24, je reviens en France, c'est à Thionville, donc du côté de Metz. Mm-hmm. Au Night, samedi 25 juillet au Club 36 à La Roche-sur-Yon, donc en Bretagne. Et ensuite, va s'enchaîner. En Vendée. La Roche-sur-Yon, en Vendée. C'est vrai, la Vendée. Très belle région. Pas très loin de la Bretagne, mais en Vendée quand même. Que tu aimes beaucoup. J'aime beaucoup la Vendée. Voilà. Et donc après, pour synthétiser, tous les mardis, je serai en Espagne au Club Londoner à Lloret del Mar. Une fois par semaine à Marrakech au Sofitel et au Maroc, Algérie, Tunisie. Donc direction Béjaïa aussi. Direction Béjaïa, voilà. Et Portugal aussi et Turquie aussi. On fera une date aussi en Turquie, okay. Moi, à Vodrum. Tu m'as bien blasé là. À la Corse aussi, ouais, la... Mais de toute manière, tout sera sur la page fan DJ Case Facebook, qui est DJ espace KYZ. Sur Snapchat, Twitter, Instagram, c'est DJ Case Paris. Il y aura tout, tout, tout là-dedans. Donc, tous ceux qui ont bouillé d'ailleurs, on voit les hashtags Rise Supreme. Ouais, est-ce que tu seras là, tu seras là, tu seras là. Surveillez la page fan cette semaine, il y aura tout dedans. Allez faire un tour sur la page fan et là on est reparti pour une nouvelle session mixée par DJ Case. Bah oui, je vais tout déchirer là. Allez, c'est parti. Les passagers à destination Rise sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, dimanche soir, c'est Rise Supreme en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, si je suis sur la piste, nos platines, c'est DJ Kaïs. Et sur Snapchat, sur un même avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aïcha Andisha. Jo ke ni dekh pai vich roi, o tero ro khamli hoi, o tero ro khamli hoi. Dam kutku, dam kutku, dam kutku, dam dam dam kutku, dam kutku, dam kutku, kutku. À Paris et ce vieux temps pourri, je me fais masser, je fais bronzer tout l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, me parle à ma montre. Ce soir, je chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les puissiers, je l'appelle à Pou. Et hella beast dead. I got Middle East women and Middle East bread. I got oil well money in it. Chest cold diamonds make us wanna call. In Dubai, 20 million on a villa loft. And then I step up in the club and then he's up and up and then way I make the people warm, sing the hook in Arabic. Let's go. Suprême. Skyrock. Ce soir c'est la folie. Comment vous dire, je vais bien. Mon désolé, je suis

Yeah.

ce Rail Suprême, DJ Case, un Rail Suprême mouvementé comme à chaque fois. Ouais. Mais pour mieux revenir, puisque tout l'été tu seras présent en platine. Hein. Bien sûr, tout l'été je serai là, ouais. Une heure de mix le dimanche soir. Voilà, soit dans les locaux Skyrock ou en direct de la ville où je serai, et ça sera enregistré en live avec la technologie Skyrock. Donc, par satellite. Par satellite. Voilà, donc toute la France pourra m'écouter le dimanche de minuit à 1h. Et ne loupez pas, donc DJ Case, et puis d'ici là en tournée. Merci Case pour cette belle soirée. Bah, merci à vous. On rappelle les réseaux sociaux bien pour avoir toutes les dates de Case. Eh oui, les réseaux sociaux, c'est sur Facebook DJ Case, donc DJ espace KAYZ, et Snapchat, Twitter, Instagram, tout ça, c'est DJ Case Paris attaché. Et gros big up à Fabien. Et puis on rappelle aussi que Paris aura en New York pour les vacances, c'est le son qu'il faut avoir en route. C'est, ah oui, j'ai en route pour les vacances. Donc l'album il marche très bien, on est très content. Et pour ceux qui l'ont pas encore, voilà, c'est l'album pour la route du bled. C'est excellent album pour la route du bled. Merci Case et bonnes vacances à tout le monde. Merci à vous. Voilà, moi je vous retrouverai avec Case aussi à la rentrée pour Planète Rap à partir du 17 août. Et passez à toutes et à tous de bonnes vacances et à très vite dans Rail Suprême. Bonnes vacances à tous. Ciao. Ciao. Rap et R&B non-stop. Skyrock.